Jéricho ne sait pas par cœur toutes mes chansons. Jéricho ne sait pas le prix de ma maison. Jéricho ne sait pas la marque de ma moto, ni combien de chevaux se cachent sous mon capot. Jéricho ne sait pas ma place au box-office. Jéricho ne sait pas la vertu ni le vice. Jéricho ne sait pas si je suis resté rebelle ou simplement fidèle à mes vieux idéaux. Demandez à mon cheval. Jéricho ne sait pas arriver en retard. Jéricho ne sait pas combien vaut un dollar. Jéricho ne sait pas les damnés de la terre, la reine d'Angleterre, ses robes et ses chapeaux. Ni la cendre. Jéricho ne sait même pas où c'est le 11 septembre. Jéricho ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève, la convention de Genève et les accords d'Oslo. Demandez à mon cheval. Demandez à mon cheval. Demandez à mon cheval. Jéricho sait très bien se méfier des humains quand leur sourire est faux. Jéricho sait très bien lire les lignes de ma main avec son souffle chaud. Jéricho sait très bien qu'on peut aller très loin, lui et moi sur son dos. Cherchez pas, demandez à mon cheval.